Chapitre 4. Il apparaît aujourd'hui comme évident que l'exil et l'emprisonnement d'Altan et Elysia Gilsayan étaient dus à l'action concertée des Tzlich et des Léharil Morienval, aidés sans doute par Holtz Kilmuirt. Si Altan et Elysia n'ont pas été tués, alors que leur mort aurait servi les desseins de la traîtresse, c'est qu'ils ont participé à leur propre séquestration, ôtant ainsi à leurs ennemis la possibilité d'y mettre fin, et par là même de les atteindre. Doomphil Batis, chroniqueur de l'Empire. Ils avaient quitté la citadelle depuis 3 jours lorsqu'ils découvrirent pour la première fois un champ de bataille. C'était une vaste étendue herbeuse cernée de collines arrondies, couronnée de bois touffus. Un endroit paisible que l'on imaginait fréquenté par des hardes d'herbivores et quelques familles de prédateurs. Les armées raïs et humaines s'étaient affrontées là, sans pitié, et peut-être sans espoir. La terre avait été abreuvée de sang. Des restes macabres étaient répandus sur une incroyable surface. Des morceaux de cuirasses, des casques, des armes brisées, mais également des corps que les oiseaux et les animaux nécrophages n'avaient pas fini de dévorer. Le début du voyage avait pourtant été agréable. Rodé à la vie de groupe, chacun savait quelle était sa tâche lors des haltes et des bivouacs, et l'accomplissait volontiers. Mathieu et Siam s'étaient insérés sans difficulté dans cette organisation. La sœur d'Edwin n'en était pas à sa première expédition. Depuis son plus jeune âge, elle avait suivi les guerriers de la citadelle en campagne. Aussi connaissait-elle parfaitement la région. Mathieu, plus qu'un monde, semblait découvrir un mode de vie basé sur la camaraderie et la confiance. Il était épanoui, heureux et, visiblement, amoureux de Siam. Bjorn avait essayé de le taquiner à ce sujet, malgré les regards noirs de Camille. Il aimait bien le jeune homme et, vu son caractère, il lui était quasiment impossible de se taire. Mais à sa première boutade, Elana s'était approchée nonchalamment et lui avait saisi une oreille. « Ça s'arrache, ces trucs-là » avait-elle demandé en la lui tordant sauvagement. Bjorn avait poussé un hurlement de douleur avant de se dégager avec difficulté. Il avait passé le reste de la matinée à se frotter l'oreille. Plus personne n'avait commenté les coups d'œil que Mathieu jetait à la jeune frontalière. Pour l'heure, l'atmosphère n'était pas à la plaisanterie, ni au sourire. À plusieurs reprises, Camille ferma les yeux en passant près de corps mutilés, jusqu'à ce qu'Edwin décide de faire un détour pour éviter le centre de la plaine où avait eu lieu le plus gros de l'affrontement. « Une guerre est toujours atroce », commenta-t-il. « Mais je crois que le pire, ce sont ceux-là. » Il montrait du doigt de lointaines silhouettes qui s'affairaient dans l'herbe. « Des charognards », expliqua-t-il. « Des bandes de voleurs qui n'ont d'humains que le nom. Ils suivent les armées et, après les batailles, dépouillent les morts, pillent sans vergogne. Malheur aux blessés qui attirent leur attention. Ils tuent pour une bague ou une pièce d'armure. » Maniel, qui avait beaucoup guerroyé au service de l'Empire, poussa un grognement. « Et si nous les chargions ?» proposa-t-il. « Ils ne sont qu'une dizaine. » Bjorn acquiesça vigoureusement, mais Edwin refusa tout net. « Pas question. Ces pillards sont plus nombreux qu'il n'y paraît. Et ils peuvent être redoutables s'ils sont acculés. C'est le travail des légions impériales de nettoyer la région, pas le nôtre. » Ils continuèrent leur route. Mathieu prit d'une nausée tenace. La télévision et les journaux avaient toujours filtré les images des guerres et des massacres de son monde. Avoir sous les yeux les résultats de la folie d'êtres décidés à s'entretuer le rendait malade. Il était également surpris par l'attitude de Siam. La jeune fille avait regardé sans sourciller les vestiges les plus sanglants de la bataille. Et quand Maniel avait proposé d'attaquer les pillards, elle avait caressé la poignée de son sabre avec un sourire carnassier. Mathieu se demandait si sa grâce n'était pas un piège destiné à attirer les imprudents près du fil de sa lame. Si elle n'était pas un fauve plutôt qu'une femme. Comme si elle avait perçu ses pensées, Siam se tourna sur sa selle et plongea ses yeux dans les siens. Ce qui, en une unique seconde, fit fondre ses craintes et ses doutes. Il donna un habile coup de talon pour se placer à sa hauteur. Ses réflexes avaient ressurgi d'un passé plongé dans l'obscurité, démontrant que l'analyse de sa sœur était certainement exacte. Il se comportait en cavalier émérite. Salim avait eu plus de difficultés. Éclat de soie était une monture docile, d'un tempérament calme, au pas régulier. Cela n'avait pas empêché Salim de ressentir rapidement d'affreuses douleurs aux fesses et aux muscles des cuisses. Après quelques heures de chevauchée, il ne savait plus quelle position prendre, et à la fin de la première journée, il aurait volontiers abandonné son cheval pour le chariot s'il n'avait craint de perdre la face. Le premier matin avait été atroce. Elana lui avait donné des conseils alors qu'il envisageait sérieusement de renoncer. Mais c'était le rire de Bjorn qui lui avait permis de surmonter sa souffrance. Piqué au vif par les plaisanteries du chevalier, il était remonté en selle en serrant les dents. Et il avait tenu bon. 3 jours plus tard, même s'il n'était pas encore à l'aise, il commençait à se comporter comme un véritable cavalier et ses muscles s'endurcissaient. Il soupira néanmoins de soulagement lorsqu'Edwin annonça la halte du soir. Il s'approcha de Camille. « Dis, ma vieille, tu ne crois pas que tu aurais pu nous proposer un pas sur le côté jusqu'à Aljet, histoire d'économiser la peau de mes fesses ? Je ne pense pas être capable d'un tel exploit, et je sens au plus profond de moi que je ne dois pas abuser du pouvoir. C'est une question d'équilibre. Quand je dessine, je trompe la réalité. Il ne faut surtout pas que j'imagine que c'est un jeu. » Je dessine lorsqu'il y a urgence, mais là, rien ne presse. Eléar Ilmorienval poursuit ses manigances et, tant qu'elle sera libre, elle sera dangereuse. Toutefois, Merwin m'a certifié que mes parents ne risquaient rien. Je lui fais confiance. Alors nous nous déplaçons à cheval, comme tout le monde, tu comprends ? Moi, oui, admit Salim. Mes fesses, non. Camille haussa les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher d'éclater de rire. Un peu plus tard, les compagnons se retrouvèrent autour d'un feu de camp. Bjorn avait ramassé des planches, débris d'un chariot éventré lors de la bataille, qui brûlait haut et clair, repoussant la clarté des étoiles comme elle chassait le froid de la nuit. Edwin distribuait les tours de garde lorsque, non loin d'eux, un cheval renacla. Il posa la main sur la poignée de son sabre. « Qu'est-ce que ?» commença Mathieu. Déjà Siam avait sorti sa lame. Son geste fut fulgurant. Le chointement de l'acier glissant sur le fourreau précéda le sifflement de la flèche qui jaillit de l'obscurité. Le sabre de la jeune frontalière fouetta l'air près du nez de Mathieu et le trait, sectionné comme par magie, tomba à ses pieds, inoffensif. « Le feu !» hurla Edwin. Elana avait tiré ses 2 poignards et plongeait en avant. Une flèche se ficha dans le chariot, à 1 empan de sa tête, suivie de 2 autres. Camille se glissa dans l'imagination. Le feu. Il fallait éteindre le feu. Sa lumière permettait à leurs assaillants de les ajuster sans prendre de risques. Son cœur battant la chamade, elle saisit la première image qui passait à sa portée. Après un craquement sonore, un véritable déluge tomba du ciel. Pas une pluie, ni même une averse, non. Une incroyable quantité d'eau déversée brutalement sur le camp, comme par une invisible citerne volante. Les flammes s'éteignirent immédiatement. Sous le choc, Camille fut jetée à terre et écrasée contre le sol, soudain devenue bourbeuse, ce qui lui évita sans doute de se briser les os. Dans l'obscurité complète, des cris s'élevèrent, puis le tintement des armes d'acier qui s'entrechoquaient retentit. Camille, à moitié sonnée, s'assit péniblement. « Lumière, bon sang !» tempéta Edwin. Avec une grimace, elle se prépara à réinvestir l'imagination. « Laisse, Ewilan, laisse, je m'en occupe !» C'était la voix de Maître Duhaume. Camille le situa précisément lorsque son dessin prit forme. À plat ventre dans la boue, souillé de la tête aux pieds. Cela ne l'empêcha pas de dessiner avec efficacité. La scène s'illumina. 12 d'hommes les assaillaient. Ils avaient profité de l'obscurité pour s'approcher, comptant sur l'effet de surprise pour l'emporter. Raté. Face à eux se dressaient 5 combattants trempés, mais redoutables, qu'aucune personne sensée n'aurait affronté de gaieté de cœur. Edwin menait la danse avec son effroyable sang-froid. Derrière lui, Bjorn et Maniel maniaient leurs armes comme s'ils fauchaient les blés, tandis que sur les côtés, Elana et Siam rivalisaient d'audace meurtrière. La jeune frontalière jouait du sabre avec la même maestria que son frère. Ceux de leurs assaillants qu'il avait choisis pour cible, en se fiant à son âge, sa taille et son sexe, ne tardèrent pas à le regretter amèrement. Dès la première minute de l'affrontement, plusieurs ennemis s'effondrèrent, tandis que Bjorn commençait à entonner un sauvage chant de guerre. Derrière les combattants, Deux hommes se dressèrent, des arcs à la main. Camille, les fesses toujours dans la boue, hésita, après sa mésaventure aquatique, à se relancer dans les spires. Ce ne fut pas nécessaire. Mathieu se matérialisa dans le dos d'un archer. Il brandissait une des lourdes planches que Björn avait ramassées pour le feu. Elle se brisa en deux quand il la battit de toutes ses forces sur le crâne du tireur, qui s'écroula. Son compagnon pivota et lâcha sa flèche, presque à bout portant, mais son trait fila au loin. Mathieu avait disparu. L'homme n'eut pas le temps de le chercher des yeux. Une forme massive lui sauta à la gorge. Camille, ébahie, reconnut la silhouette d'un animal. Un chien ? D'où diable venait-il ? Le combat s'achevait. Une dizaine de corps ennemis gisaient dans la boue, alors qu'aucun de ses compagnons ne paraissait blessé. Très vite, les derniers assaillants tournèrent les talons et s'enfuirent en courant. Camille jeta un coup d'œil circulaire. Edwin et ses amis essuyaient leurs armes, tandis que Mathieu aidait Maître Douaume à se relever. Le vieil analyste était couvert de boue, mais, fait ahurissant, il ne pestait pas. Au contraire, un grand sourire hilar barrait son visage. « Et Willan, tu n'aurais pas un peu d'eau par hasard ?» gloussa-t-il. Camille sentit le rouge de la honte lui monter au visage. En voulant épauler ses compagnons, elle avait failli les noyer. Elle aurait aimé se glisser dans un trou de souris. Pour se donner une contenance, elle s'avança vers la bête puissante au pelage sombre, presque noir, qui était venue à leur secours. Un cri d'Edwin la figea sur place. « Non, Iwilan, ne l'approche pas !»« Mais, » protesta-t-elle, « il nous a défendus et... » En deux pas, Edwin vint se placer près d'elle. Il avait toujours son sabre à la main. « C'est un loup, Iwilan, un loup du Nord !» La phrase percuta Camille comme un coup de poing. Elle tourna la tête, soudain inquiète. « Salim ! Où est Salim ?» Nulle part le garçon n'était visible. Pourtant, il n'avait pu s'éloigner. En un éclair de lucidité, elle admit l'inconcevable. Elle s'avança vers le loup. « Recule !» ordonna Edwin en lui saisissant l'épaule. « Cette bête n'a rien d'un chiot que tu peux caresser !» Camille secoua la tête. « C'est Salim !»« Que dis-tu ?» s'écria Maître Douaume. « Je dis que ce loup est Salim !» Il y eut une série d'exclamations. Camille profita de la stupeur générale pour se dégager de la prise d'Edwin. Il jeta un bref coup d'œil à Elana qui fila vers le chariot pour saisir son arc. Elle encocha une flèche et se tint prête. La lumière créée par Maître Douaume commençait à faiblir, mais le loup était encore bien visible. Il s'agissait d'une bête assez jeune, au torse puissant et au croc impressionnant. Assis sur ses pattes arrière, il les observait avec curiosité, sans une once de crainte. Camille marcha dans sa direction. Il ne lui prêta pas une attention particulière, mais quand elle ne fut plus qu'à 2 mètres de lui, il montra les dents et se mit à grogner. Elle s'immobilisa. « Recule !» répéta Edwin à mi-voix, sans mouvement brusque. Elana avait tiré l'empenne de sa flèche jusqu'à sa joue. Elle contrôlait sa respiration, prête à lâcher un trait mortel. « Recule, tu entends ?» insista Edwin. Sans tenir compte de ses paroles, Camille s'accroupit lentement, regardant le loup dans les yeux. « Salim ?» murmura-t-elle. « C'est toi ?» Son intuition devenait une certitude. Son ami se trouvait là, devant elle. « Salim ? » continua-t-elle. « Pourquoi t'es-tu transformé ? As-tu besoin d'aide ?» Le loup avait cessé de grogner. Il restait néanmoins sur la défensive, ses oreilles toujours abattues en arrière. Pendant quelques minutes, il écouta Camille avec attention. Plus loin, les autres, immobiles, échangeaient des paroles à voix basse, croyant sans doute qu'ils ne les entendaient pas. Leurs phrases retentissaient toutefois à ses oreilles aussi fort que s'ils avaient hurlé. Elle ne l'intéressait pas. Les mots de la jeune humaine, par contre, résonnaient différemment. Ils créaient un écho en lui, évoquant une zone floue de son passé. Une période qu'il n'arrivait pas à convertir en odeur, comme si elle ne lui appartenait pas vraiment. Durant un moment, il essaya de comprendre ce qu'elle lui disait. Puis il se lassa. Il n'était plus inquiet, mais la nuit l'appelait. Le besoin de chasser vibrait dans son sang, irrésistible. Il se redressa. L'humaine aux yeux violets s'est têtue. Il lui jeta un dernier regard et se détourna. « Salim !» Le loup disparut dans l'obscurité.